J'ai donné 4 vaches. Okay. Puis dans d'autres secteurs, puis plus haut, Prévost, puis en haut de Sainte-Adèle, Val-des-Lacs, municipalité. Bon, le monde avait. La télévision venait de sortir, puis il y en avait bien qu'il n'avait pas. Bon, on donnait une télévision, si tu me ramassais un 8-900 votes. Excitant qu'une série canadien sénateur et chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est un tour du chapeau. Voici votre animateur, Jean-Philippe Écoute! Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de tout ce qu'on a appris à la commission Charbonneau cette semaine. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, gros début de semaine. Ben ouais, oui. On vient d'apprendre hein, que la chef du Parti libéral du Québec, Pauline Marois, qui appelle la commission à la prudence. Hein? Attends, Marois au PLQ? Ben c'est pas ça. Ah ouais, de plus en plus. Non, ça se mélange. Là. Ça écoute, c'est difficile à différencier. Là. Tout est rendu dans la même poche. Ah ouais, ouais, écoute, là. Non, puis il faut la comprendre. Ça a été des grosses, grosses révélations cette semaine. Ouais. On a été gâtés. Oui, hein? Au propre comme au figuré. Oui, oui, ouais, tout à fait. Là, ben, on a eu la confirmation en début de semaine que Gérald Tremblay, ben, c'était un homme, c'était un... Mais on le mot pour être poli, là. Je sais pas. Les... Un tata? Non, un ticoun. Ah, ouais. Ça fait un ticoun. On a appris ça. Bon, c'est comme ça. Bon. En tout cas, on attend Denis Coderre. Oui. Hein, et on se croise les doigts. Hein. Ça devrait s'améliorer. Oui. Hein. On se croise les counes. On se croise les counes, okay. En fait. Ouais. Sinon, ben, hey, l'autre grosse révélation de la semaine, Gilles Cloutier, ben hein, oui, qui a giclé pas mal sur tout le monde. Oui. Hein, je serais prêt à dire. Je pense que tout le monde l'a reçu. Oui. Même Fred? Non, moi, je m'habille en fibre synthétique. Ça se lave super bien. Ben, ouais. Me semble que les libéraux devraient s'habiller de même. Oui. Hein? Hey, parce que je ne sais pas si vous avez su, hein, paraît que 90% de leur financement serait illégal. Hey, hein? C'est pas le PQ qui ferait ça. Non, monsieur. Ils ont juste 70%. Ah, ouais, hey. Encore du nivellement par le bas. Ben, ça, qu'est-ce que c'est comme ça. Hein? La CAQ, hein? La CAQ, on le sait pas, la CAQ. Par contre, il paraît qu'Option nationale aurait reçu du financement occulte. Ouais. Ben là, on a, regarde, on a appris ça, regarde. C'est pas étonnant, même le parti est occulte. Non, ben... on aurait dit, les gens disent que l'Option nationale aurait reçu des poches de scène noire pas roulées du PQ. Ah, c'est ça qu'on dit. Ça, c'est chiant. C'est ça qu'on dit. Parlant de se faire rouler, je sais pas si vous vous rappelez de notre ami Guy Chevrette. Ah ouais, ça, c'est le petit monsieur pas de cheveux qui a déjà été ministre des Transports et qui roulait ses airs. Oui, monsieur Chevrette. Oui. Exactement. Ben, imaginez-vous que ça coûtait 100 000 $ pour parler à Tigui quand tu voulais faire avancer tes dossiers. Eh, bon boy. Ah, une chance qu'il mesurait pas 6 pieds 3, hein, ça aurait bien coûté 300 000 $. 300 000, ouais. Si on fait une règle de toi, on mesure 2 pieds. Ben ouais, c'est ça. Hey, mais on va lâcher la commission 30 secondes pour parler d'affaires un petit peu moins pesantes. Ouais. Hein, avoir un petit peu plus de fun dans les nouvelles. Léger. Ben oui, quelque chose de plus fun. Il y a un petit gars de 5 ans qui a tué sa sœur de 2 ans au Kentucky cette semaine. Non, ah, au Kentucky? Au Kentucky. Il a donné du poulet? Non, c'était pas du poulet, c'était il l'a tué avec une carabine. Ah. Écoutez bien ça, une carabine qu'il avait reçue en cadeau pour ses 4 ans. Puis la petite fille était pas armée. Non. Bravo les parents. Ben ouais, mais Fred. À 2 ans, je veux dire. Ah ouais. T'as mis à faire des Legos, tu sais. Ouais, c'est vrai. Non, 4 ans, c'est l'âge parfait hein, pour commencer l'utilisation de la carabine. Et le ski en même temps. Ah ouais, on peut faire les deux en même temps. Ben oui, ben c'est le même qui est né le biathlon sur les pentes du Kentucky. Dans la taïga. Ouais. Il y a eu des bonnes nouvelles quand même cette semaine. On a appris, par exemple, que la vente, en fait, de tous les actifs de Tony Accurso à un groupe d'administrateurs québécois qui va être dirigé, je pense, par un ex-directeur général du Parti libéral du Québec. Ah, ben ça reste en famille, c'est ouais, super. Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est le fun. Je n'ai pas besoin de changer de nom de compte à Caisse Pop. C'est déjà tous les mêmes endosseurs, j'imagine. Fait que ça, c'est correct. Par contre, on a appris que Jean-François Lisée, lui, n'était pas du type à endosser tout le monde. Hein, pas n'importe qui. Paraît que le premier ministre Lisée serait intervenu pour empêcher la nomination de Lynn Beauchamp comme présidente des fêtes du 375e de Montréal. Mais là, franchement, 375e, ouais, ben c'est n'importe quoi, c'est même pas un chiffron. Ben oui, on dort. Pourquoi qu'on attend nos 400e, qu'on fasse des choses en grand comme à Québec? On invite John Lennon là, dans un gros show. Ou George Harrison, t'es pas George Harrison. Ouais, t'es un bon, lui. Non, vous avez raison, hein. Puis qu'on confie ça à quelqu'un qui est plus festif que Lynn Beauchamp. Arrête pas de pleurer, puis tout le temps pantoite. Pantoite tout le temps. Je pantoite, Non, regarde. Mais qui pourrait présider ça, cette affaire-là? On a besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui est festif, qui a du temps libre. Daniel Breton. Non, quelqu'un avec l'envergure, je dirais. Ah, l'envergure, ouais, ben là, attendez, ouais. L'envergure au PQ, ça nous limite pas mal. Ouais, là, c'est vrai que ça, on se donne pas de chance. Non. André Boisclair, peut-être? Ah! André Boisclair? Oui. Ben, il connaît ça, le party, lui. C'est vrai, puis il connaît ça aussi, l'envergure. Oui, lui, il connaît son envergure, en tout cas, oui. Nous autres, moins, mais bon. D'ailleurs, nos deux invités de ce soir, il y en a de l'envergure. Ben oui. On reçoit d'abord François Gagnon, chroniqueur à la presse. Oui, hey, j'espère. Oui. Bon, fais-moi ça. Attendez. J'espère pour lui que les sénateurs vont gagner la série. Oui, parce qu'il prend pour les sénateurs, tout le monde. Ben oui. Merci. Ah, c'est écœurant, hein? Non, mais quand même, ils ont des chances, les sénateurs. Ils ont déjà gagné la Coupe en 1892. Ah oui, ouais. Dans le temps des deux équipes. Oui, en fait, des moins trois équipes à l'époque, je pense. Non, mais c'est un cycle de 121 ans. Il la gagne à chaque 121 ans. La comète de Halley. Oui, c'est ça. Mais plus intéressant. Ou moins intéressant, en tout cas. On reçoit également le ministre du Tourisme, Pascal Bérubé. Ah oui, oui. Qui va être là. Ben là, vous êtes. Ben oui, non. Hey, ça, c'est triste. Hein? Ça paraît que le hockey les intéresse plus que la politique. C'est vrai. Mais il y a encore des touristes qui viennent au Québec depuis les manifs de l'an passé? Ben, il y a un ministère. Ah? Fait que c'est un début. En même temps, on va avoir le temps d'y demander parce que la soirée est encore jeune, tout le monde. Olivier Niquette, bonsoir. Bonsoir. Hey, les internets. Ben oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, oui. facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site radiotraditioncanada.ca/lasoirée où ils pourront voir une vidéo du maire de Sainte-Julienne qui explique comment obtenir une subvention de 100 000 $ dans la douche des hommes d'un club de golf avec une serviette autour de la taille et une petite bière dans la main. Ah! Je vous en dis pas plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Oh, ouais. Hey, petite semaine d'actualité, hein, finalement. On dirait que je n'ai rien à dire. Ben voyons donc, il y a plein d'affaires à dire. Ouais. Hey, juste la commission Charbonneau, il y a votre ami Michel Courchesne. Là, son nom est encore sorti. Là. Là. Vous voulez pas parler. Hey, lâchez mon ami Michel Courchesne. Ben là. Franchement, arrêtez de faire votre média, Fred, là, comme elle accuse le monde. Là. Parler d'affaires que ça ne tente pas d'entendre. Franchement, je l'aime, moi, lâchez-moi avec ça. C'est-tu bête, ça? Hey, avec l'achat des compagnies à Curso, on peut se poser la question à savoir si ça va nous coûter moins cher et si nos routes vont être moins tout croche. Et la réponse, ben c'est certainement non. Ben non. Et c'est ce qui nous a inspiré notre palmarès de la semaine. Alors voici les 5 meilleures façons de réduire les coûts des chantiers routiers. En 5e position, envoyer Québec solidaire au pouvoir. Hey, ça coûte pas cher des poches de jute des sandales. C'est vrai. Hein? Pelleter les nuages, je peux faire ça sans garde-notes. Ça, c'est tout. Le communisme, hein, c'est la solution à tout. Hein. Oui, l'histoire de l'amour. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. En 4e position. Ah, ben oui, faire affaire avec des chômeurs canadiens. En partant, tu sauves 30%. Eh ouais. Yeah. Mais en même temps, c'est du monde qui sont habitués de travailler 12 semaines par année. Hein. Oui, ben en même temps, c'est déjà plus que l'école bleue. Ah, oui, c'est vrai. En 3e position. Faire comme Michel Courchesne et blâmer les médias. Maudit média, hein? C'est parce qu'ils disent que les routes sont laides, que les routes sont laides. C'est vrai, ce maudit média marde. Moi, vous dites, moi, ça m'écœure de faire partie de ça, les médias. Je m'écœure moi-même. Oui, moi aussi, vous m'écœurez d'être dans les médias des fois. C'est moins vous entendre. En 2e position, faire affaire avec une compagnie de pavage du Bangladesh. Eh oui. Regarde. De toute façon, on verra pas de différence, nos routes s'écroulent déjà. Tout à fait. En plus, si tu veux te plaindre, le service à clientèle est déjà là. Eh oui. Tu peux régler ton Internet, ton téléphone, puis une poule en même place. Bang. Voilà ça. Ouais. Et en première position, la soirée est encore jeune, sera de retour la saison prochaine. Ouais. Bon. C'est quoi? Ouais. C'est quoi le rapport? Ouais, je sais. Je sais. Hey, en même temps, ça fait comme 43 émissions qu'on fait. C'est vrai. On a pas... Mais en même temps, quand tu ris de bon cœur, là, tu sais, les routes de merde, ça dérange moins. Non, c'est vrai. On dirait même ça. On avait plus d'idées. Fait qu'on on s'est dit qu'on allait faire ça. Fait que là, on vient les prochaines. Fait qu'on s'en va au Modou. Ouais, non, il nous reste quand même 8 émissions d'ici la fin. Okay. Ouais, je suis désolé. Vous restez encore avec nous? Ouais. Excellent. Présentez-nous notre premier invité, oui. Près d'un partisan voué des sénateurs, mais il couvre le Canadien pour la presse et pour l'émission C'est bien meilleur le matin. Bonjour, l'impartialité. Accueillons François Gagnon. Franchement. On va s'assumer comme il faut. Ben oui, c'est correct. C'est correct. Alors. J'ai ma passe du Canadien. Ben oui. Ben oui, je correct, sais. Hein? Vous êtes chanceux en tabarouette. Moi, j'ai rien qu'un appel à faire à Marc Bergevin. Vous n'avez plus votre passe, hein? Fait que comme ça, on prend pour sénateur. Non, non, non. On prend pas pour sénateur. Ah. On prévoit la victoire des sénateurs. En plus! Oui, vous prenez en six matchs. Oui, bravo l'objectivité journalistique. Non, mais c'est quoi ce problème-là d'objectivité? J'ai à vivre avec ça depuis que j'ai fait ma prédiction. C'est normal de prendre pour le Canadien quand on est journaliste à Montréal, mais si on ose, si on ose se tourner vers une autre équipe, là, on n'est plus impartial. Ça me semble logique. Ah oui? Ça me semble tout à fait logique. Moi, c'est parce que c'est le niveau d'impartialité du partisan du Canadien que j'ai jamais réussi à saisir. C'est vrai? quand le Canadien va pas bien, ouais. le partisan du Canadien ouais. haït le Canadien. Ben, je comprends donc. Quand le Canadien va bien, oui. le partisan du Canadien ne voit que le Canadien. Ouais. Peux-tu avoir un juste milieu à quelque part, non? Ben, il a emboli les matchs nuls. Hein? Avec des matchs nuls, on aurait été correct. C'est, vrai, c'est pour ça qu'on est rendu en fusillade demain. On se fait tirer à tour de bras par, c'est par vrai, les ça. Internet, d'ailleurs. Hey, n'empêche, François Gagnon, que votre boule de cristal est un peu rouillée. Hein? Ça dépend. Ben, ça dépend. Non, mais on fait des statistiques qu'on appelle. Là. Oui, oui, oui. C'est, ça va pas super bien. OK, là, tu vas juste sortir les, les mauvais résultats. Non, j'ai fait. J'ai compilé. C'est pas vrai, j'ai pas compilé, par exemple. Non. Mais la plus grosse cette année, c'est certainement celle qui annonçait que les Canadiens n'allaient pas faire les séries. C'est vrai. Bon, évidemment, ça n'a pas vraiment fonctionné. Pas du tout. Non. Et celle que les Rangers allaient finir au premier avant que tu l'as. Les Rangers. Oui, oui, oui. Je me rappelle plus de cette équipe-là. Oui, oui, oui, non. Mais, attention, c'est une équipe qui pourrait surprendre en série. Mais disons que la saison. Disons que la saison n'a pas été à la hauteur des prédictions. Non. D'ailleurs, je trouve ça le fun parce que vous avez votre texte de mardi dernier dans la presse. Je trouve que vous êtes ajusté hein, pour être certain de ne pas avoir des. Pas vous tromper dans vos prédictions. Okay. Je vais lire cette phrase. Vas-y. Alors, l'équipe qui comptera sur le meilleur gardien lors des 4, 5, 6 ou 7 prochains matchs gagnera. Eh ben, exact. Hein? C'est pire, ça. Eh bien. Non, moi, j'ai pas mis 3, ça se gagne pas en 3. C'est ça. Au moins, vous avez de la rigueur. T'sais, oui, mais vous connaissez ça. Votre part. Non, mais tant qu'à écrire ça, vaut pas mieux rien écrire. Non. Non. Ça, c'est une bonne question. Ouais, mais non, mais il faut la poser. Il faut la poser, mais c'est parce que quand tu prends cette phrase-là, oui. hors contexte, ben. Si tu prends le reste, parce que ouais. moi, je parlais des unités spéciales, ouais, de l'attaque, ouais. de la défensive, ouais. mais on a beau avoir les meilleures stratégies ouais. au monde, on a beau avoir les meilleurs gardiens au monde, on a beau avoir les meilleurs partisans au monde, ouais. si le gardien de but ne fait pas les arrêts... Uh-huh. Ouais. C'est le problème, et c'est le ça. Et d'où la phrase que t'as pas aimée. Je l'ai pas aimée, mais j'ai trouvé qu'il y avait... Une chance, un peu de... parce que si tu non. l'avais pas aimée... on parlait un peu de votre job de journaliste oui. tantôt. Des fois, j'ai envie de mettre ça en guillemets, parce que je lisais le journal de Montréal de jeudi, et il y a une page complète où est-ce que c'est... Nicolas Ciccone prédit que la série sera longue. Et là, je me dis, si le journal est capable de remplir une page complète avec Nicolas Ciccone et ses opinions sur le Canadien, ben ouais. je me demande, là, qu'est-ce que ça prend pour se démarquer de Nicolas Ciccone dans le monde du sport? Je lance ça de même. Parce qu'il, tu sais, déjà qu'il se démarque pas en chanson. Non. Ça veut dire... Ses albums aussi sont longs. Hein? C'est des longues séries ardues. Ouais. C'est un fan du Canadien. Ben, pour l'avoir croisé à ouais. plusieurs occasions. Il aime beaucoup le Canadien. Il aime peut-être démesurément le Canadien. Ah! C'est un problème. Donc, ça peut être une explication. Comme dirait Réjean. Comme dirait Réjean, oui. Mais Réjean, il l'utilise, il surutilise le ben fait oui. fan. Alors là, ben il oui. est rendu un petit peu là, ostracisé par ouais. tout ça. Mais le fait fan... est pas nécessairement bon pour son... Le fan est bon oui. pour son équipe. Le fan, il est pesant, il est lourd à traîner ah des oui. fois à cause, justement, de ce qu'on disait tantôt, du fait qu'il est pas capable de faire son pis. Non. Il les haït, ouais. il les aime. Des fois, dans le même match, ouais. il trouve le moyen de les haïr. Ouais. On a déjà entendu ça au Centre Bell, un oui. joueur se faire huer oui. en ouais. première période, ouais. se faire ovationner en deuxième, se faire huer en troisième et se faire applaudir à tout rond parce qu'il y a eu une des trois étoiles. C'est pas Patrice Brisebois, ça. Hein? Non. Ça, non, lui, était eu plus souvent que d'autres. Non, mais je parlais de José Théodore parce ah, que ben ça oui. est déjà arrivé à José hey. Théodore. Donc, la coupe à Ottawa? Non. Ah. Non, quand même. Là, je veux dire, il y a un peu de rigueur aussi. Ah. Il y a de la partie c'est pas, de la rigueur. C'est pas parce que ouais. les sénateurs ont une chance, ouais. et je dis pas qu'ils vont absolument battre le Canadien, que ça veut dire qu'ils vont se rendre. La meilleure occasion des sénateurs pour gagner la Coupe Stanley, ouais. en fait, les meilleures occasions, ils ont perdu à l'époque de Marianne Hossa avec les sénateurs, à ah l'époque bon de Daniel Fredson quand il était à son apogée. Et le problème des sénateurs, c'est qu'ils ont frappé 4 ans en ligne Toronto, ouais. puis Toronto les a... Écrapou dans le coin de la patinoire. La vraie question, c'est comment on fait pour être fan des sénateurs? Parce que vous êtes la première personne que je connais qui prend pour les sénateurs. Ça, je dois admettre que c'est difficile. D'ailleurs, hier, ouais, il y avait encore des billets disponibles à quelques heures du match. Ah, c'est ouais. vrai? Et ça, c'est directement relié au fait que les sénateurs attirent pas. Ben, c'est, les sénateurs, c'est une équipe qui, puis c'est tout à fait exact, ne suscite pas les passions comme les Bruins, comme les Maple Leafs. Pourtant, ils sont bien meilleurs que Toronto, là, même si Toronto ouais. a gagné en série. Mais il y a des mauvaises langues qui disent qu'ils ils vont pas chercher leur clientèle francophone beaucoup, beaucoup. Ça, c'était une grave erreur qui a été répétée malheureusement au fil des ans. Ouais. On tient pour acquis que les fans ouais. du Canadien de l'Outaouais québécois ouais. vont venir, puis ils vont s'associer aux sénateurs. Ce qui n'est pas faux. Mais c'est ce qui fait que quand vous regardez un match au Centre Corel, ben en fait, c'est rendu la place Banque Scotia. Ouais. Quand le Canadien compte, on a l'impression que la moitié puis les trois quarts des fans sont des fans du Canadien. Mais c'est parce que quand tu es sur place puis tu le regardes, il y a du monde avec un chandail des sénateurs. qui applaudissent un but du Canadien. Ben, le Canadien Nordique, c'était ça aussi. Hein? Le Canadien Nordique, c'était ça. Il y a des gens qui applaudissaient les deux équipes. C'était ça avant que Dale Hunter marque son but en prolongation. C'était vrai, encore moins vrai après que Peter Stachny but en prolongation. Le Canadien. Des beaux souvenirs pour moi. Ouais, non, mais regardez, la plupart de nos auditeurs n'étaient pas nés, donc on va tout de suite. Non, mais on leur explique. On leur explique ce qui va arriver. C'est que pour qu'une rivalité. Ouais, ça prend quelque chose. Ça prend une série éliminatoire. Parce que là, le ménage à trois, ça va finir à un moment donné. Là. Ben... Le partisan du sénateur, il va dire est-ce que je couche avec le sénateur ou je couche avec le Canadien? Ouais. Parce que ça me semble la réponse est facile. Là. Coucher avec un sénateur, c'est pas toujours le fun. Hein? Par souci d'objectivité, je vais limiter mon commentaire. Je comprends. Mais est-ce que je peux clarifier une chose? Ben, juste, je vous la partisanerie, là, la partisanerie, d'abord, c'est pas relié aux équipes. Oui, j'ai pris les sénateurs gagnants, mais comme journaliste sportif, puis comme journaliste tout court, que ce soit en politique, tu vas avoir un député ministre tantôt, on développe des affinités avec des personnes. Ah oui. Moi, du côté des sénateurs, j'ai vu arriver Daniel Alfredson, son premier camp d'entraînement, et coïncide avec mon premier camp d'entraînement en couvrant les sénateurs. Hey, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Puis moi, j'en ai 50. Arrêtez donc. Arrêtez. Tu paraissais plus jeune que Fred. Mais d'ailleurs, y a-tu des chances qu'il meure sur la glace? Parce que c'est vieux, non, 40 ans. Non, c'est pas vieux, parce que c'est encore le meilleur capitaine de la Ligue nationale au grand complet. Ben, c'est pas ça, c'est votre côté. Oui, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un côté, on développe des affinités. Ah, avec... c'est ça. Alors, dans chaque équipe, il y a des joueurs qu'on aime plus que d'autres. Ça, c'est normal. Et c'est plus à ce niveau-là, moi, je te dirais que des fois, il y a, je dirais pas un manque d'objectivité, mais où est-ce qu'on doit admettre qu'on a une partisanerie un petit peu, c'est qu'il y a des joueurs dans certaines équipes... qui sont plus fins que d'autres. Ou que j'aime carrément plus que d'autres. Ah ouais? Pour des raisons fondamentales, le style de jeu. Si c'est des gars que j'ai couverts dans le junior, parce qu'il en reste encore quelques-uns. Si c'est des gens qui vous ont payé le souper aussi? Ça, ou... c'est jamais arrivé. Arrêtez donc, ils sont cheap de même. Non. Oui. Non, mais dites oui. Non, je veux pas dire oui parce que c'est pas vrai. Bon. la question qui nous brûle les lèvres tous ici ce soir, évidemment, et ce sera ma dernière. Comment vont vos relations avec Marie-France Bazot? Parce que vous faites des chroniques assez bien meilleures le matin. Oui. Deux fois par semaine. Je me trompe-tu? Cinq fois par semaine. Arrête donc. Ouais. Ah, ben, j'écoute juste deux fois par semaine. C'est correct. Je me lève tard. Trois bonnes émissions. Ben non, je sais, mais je me lève trop tard. Mais en fait, voulez-vous que je vous dise, j'écoute souvent Régent. Ah oui? Il est bon. Et donc, l'année prochaine, là, c'est Marie-France Bazot qui va prendre les rênes du matin. L'émission du matin. Est-ce que vous y avez téléphoné? Personnellement, non. J'ai téléphoné aux gens en autorité pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Ah ben, vous me donnerez le numéro aussi, hein, parce que ça, j'ai bien de la joindre. Mais non, mais dans votre ouverture, vous avez dit que vous savez déjà ce qui va vous arriver l'an prochain. C'est bon pour vous. Ouais, je sais, mais comme je dis souvent ici, c'est vraiment un attendant. Là. Je vise pas ça à long terme ici, honnêtement. J'ai laissé savoir mon intérêt, évidemment, parce que. Et aussi. Les questions normales qu'on se pose, est-ce qu'on continue? C'est une nouvelle équipe, une nouvelle philosophie, c'est une animatrice extraordinaire qui arrive. Ah, ben, qui aime le sport aussi. Mais la vision, quelle est sa vision de l'émission? Tout dépend de ça. Parce que quand j'ai commencé avec René, j'étais à temps plein ici. Ben oui, tout à fait. Tous les matins avec lui pendant 3 ans, ça a été des années extraordinaires. D'ailleurs, probablement les 3 plus belles années professionnelles de ma vie. Là, j'ai la chance de continuer comme chroniqueur, donc une intervention à tous les matins. Si on veut me garder, ça va me faire plaisir de rester. Ben, je pense que le message est passé. Oui. Est-ce que les gens voudraient entendre François Gagnon à la radio le matin? Ben oui, il y a son chandail du Canadien en plus. Puis c'est, dans le dos, c'est écrit Régent. Fais faire Régent. Eh bien, François, allez donc rejoindre nos Canadiens. Oui, oui, allez couvrir nos Canadiens et les 2 prochaines victoires. En fait, les 4 prochaines victoires du club. Oui. Et puis, bonne chance pour vos sénateurs. Hein. Je vous souhaite une victoire, mais je souhaite surtout qu'on ait une belle série, parce que d'abord et avant tout, c'est ce que j'espère avoir avec Ottawa-Montréal, du beaucoup meilleur hockey que ce qu'on aurait eu contre les Maple Leafs de Toronto. Ah ben ça, je suis content d'attendre ça. Merci beaucoup, François. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Merci, François. Ça me fait plaisir. Ben non. Écoute. Le nouveau projet de loi Mammouth de 500 pages du gouvernement conservateur contiendrait de dangereux précédents, dont la possibilité de s'ingérer dans les opérations des sociétés de la Couronne, comme par exemple Radio-Canada. Oui. Mais ça nous a inspiré une pub pour une nouvelle émission qui viendrait remplacer La Semaine verte, qui a perdu d'ailleurs son animateur Hérol Duchesne, une émission qui pourrait même être animée par Éric Duhaime. On écoute. Cette semaine à l'émission, on rencontre un cultivateur qui est écœuré de payer des impôts et qui songe à déménager sa ferme de 300 acres en Alberta. On vous présente un reportage sur un éleveur de volailles qui milite pour pouvoir se marier avec sa poule la plus performante, mais le gouvernement du Québec lui met des bâtons dans les roues, évidemment. Et au banc d'essai, on fait manger du blé d'Inde de Monsanto à des enfants de 3 ans, puis ils meurent même pas. Hey, ça doit pas être si pire, hein? Puis en plus, il est moins cher. Tout ça et bien plus à la Semaine Brune, dimanche midi, pas de rediffusion, parce qu'on sait bien qu'au Québec, on n'aime pas bien ben ça, se faire répéter nos quatre vérités. Hein? Oh. Le gros rire qu'on vient d'entendre, c'est rire de Fred qui ouais. est de ses propres blagues. Votre fantasme ne se réalisera pas, Fred, parce que c'est Catherine Mercier qui va animer l'émission. La fille qui est en Chine? Oui, tout à fait. Ah, bien, appelleront ça la semaine jaune. OK, bonne. Eh bien, c'est le moment que vous n'attendez pas, malheureusement. Il est encore avec nous. On n'a pas encore trouvé un autre reporter tout-terrain pour le remplacer. C'est le frivole et très désagréable Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Écoutez, c'est la première fois, évidemment, que je vais travailler à votre émission avec un sourire accroché d'en face. Ben je pense un tout petit peu pour toi, Jean-Philippe, parce que ce dimanche, ce sera la journée mondiale du rire. Ah. Et il paraît que rire, c'est bien, bien bon pour la santé. Okay. Donc, avec notre émission, nous faisons du bien, Jean-Philippe, sauf le vieux monsieur qui lit son billet plate à 19h25. Pour parler du rire, j'ai avec moi l'ambassadrice du rire au Québec. C'est la fondatrice et directrice de l'école de yoga du rire, Madame Linda Leclerc. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Bien vous-même? Certainement. Alors, Madame Leclerc, il existe déjà plusieurs sortes de yoga. C'est la grosse mort présentement. Alors, il y a du yoga avec ton chien, du yoga chaud, du yoga à la bisoune à l'air, et il y a maintenant le yoga du rire. Quand j'ai su ça, je me suis dit, ben voyons donc, c'est quoi ce maudit niaisage-là? Alors, ma question, c'est quoi ce maudit niaisage-là? Ben, c'est pas du niaisage du tout. Le yoga du rire, ça existe depuis 1995. C'est un médecin en Inde qui a inventé ce concept-là pour qu'on puisse recommencer à rire, même s'il ne se passe rien de drôle dans notre vie. Ça n'a pas l'air de rire comme ça en groupe. Je veux dire, j'ai vu une vidéo d'une de vos classes, du monde qui rit en groupe pendant 60 minutes pour absolument rien. Moi, ça ne m'a pas détendu vraiment. Ça m'a plus donné le goût de vous frapper toute la gang jusqu'au sang. Est-ce que c'est une réaction normale? Je pense que c'est parce que vous n'étiez pas dans le groupe que vous aviez envie de frapper. Parce que si vous regardiez ça avec un œil, qu'est-ce que c'est ça? C'est donc ben niaiseux. C'est certain qu'il y a une partie de votre cerveau qui était sur le mode « Hey, ça n'a pas de bon sens à faire là, c'est nouveau. » Mais quand vous le faites parce que vous décidez de le faire, si vous vous joignez à un groupe, que vous venez faire des exercices parce que vous vous dites « J'en ai assez, je suis toujours grognon, je bougonne, je baboune, je veux recommencer à rire. » Là, à ce moment-là, les exercices de yoga du rire vont vraiment, vraiment vous aider. Alors, je suis complètement convaincu maintenant, mais maintenant, faisons-en du yoga du rire. Alors, on va écouter la chronique du bonhomme Savard et après quoi, on va tenter l'expérience en direct pour vous, Jean-Philippe. OK! C'est très désagréable. Ouais. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Baudier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui n'a jamais gagné la coupe, mais qui possède un animateur qui en a toute une. Coupe! Hey, bonne. Hey, non, mais s'il fallait que tout le monde se mette à rire en même temps, je dirais, il se ferait tout travailler les intestins. Ouais. C'est pas une bonne idée. Non. Fred, c'est notre moment social, humour. Le moment social. Plate, pareil, mais bon. Allez-y. Hein, faut bien payer son loyer. Ouais. Alors, grosse semaine dans le domaine de la sortie de placard, hein, ce qu'on appelle le coming out dans la langue de Britney Spears, l'arrière petite fille de Shake. Quoi? Alors, tout a commencé. Il y a beaucoup de gens qui rient par respect. Des amateurs de yoga. Alors, tout a commencé dimanche dernier à l'émission Tout le monde en parle. Alors que Marie-France Bazot soulignait que le problème de la droite au Québec, c'est qu'elle manque d'intelligence. Ben oui. Paf! Scandale sur les médias sociaux. La droite est offusquée. Elle répond des insultes à Mme Bazot et confirme donc par le fait même qu'elle a raison. Bon, nous, on le savait depuis longtemps puisque l'équipe qui vous offre cette délicieuse émission que vous écoutez présentement le répète depuis maintenant 4 ans. Et d'ailleurs, nos amis de Choix Québec, ils sont allés aussi d'un coming out à notre propos, hein, de la bouche de Denis Gravel, qui nous expliquait pourquoi il n'est pas venu s'installer à Montréal pour participer à la construction de Radio X Montréal. Ah ouais? Oui, ils en ont profité pour dire qu'ils ne voulaient pas donner trop d'importance à ses adversaires de la gauche, dont feraient partie, et je cite, « les micro-pénis du pornographe ». Yeah! C'était nous, ça. Ayant participé à l'élévation du niveau intellectuel de cette émission l'an dernier, je me suis senti visé, hein, et je n'ai pas trop apprécié qu'on dévoile publiquement mes attributs, qu'on fasse mon propre coming out de Mazouine. Ouais, non. C'est... En même temps, est-ce si grave d'avoir un micro-pénis? Ouais, hein? C'est vrai, ça. Je ne pense pas. Non, moi non plus. Il y a tellement de chanteuses au Québec, il y a un micro pour tout le monde. D'ailleurs, avis à toutes celles qui ont une petite voix, je serai chez Roger tout le week-end. Mais le meilleur coming out de la semaine, on doit le décerner à ce joueur de basketball professionnel de la NBA, James Collins, ouais, qui a dévoilé qu'il était homosexuel. Moment historique puisque c'est la première fois qu'un joueur actif dans un des quatre sports professionnels majeurs nord-américains avouait joué dans la même équipe de manière figurée, on s'entend. La plupart des commentaires reçus par Collins ont été très positifs, preuve que l'humanité avance un peu, même si certains athlètes jambons n'ont pas très bien réagi. J'en veux pour preuve Mike Wallace, le receveur de passe des Dolphins de Miami, qui a tweeté, et là je vous le traduis librement, « Je ne comprends pas pourquoi des gars voudraient fourrer avec des gars. Il y a tellement de belles femmes sur la planète. » Ben, c'est pas faux. Hein. Non. Ben, on devine que ça. Le monsieur a beaucoup d'argent pour voyager ainsi, puisque moi-même, je ne peux témoigner s'il y a effectivement tant de belles femmes dans le monde. J'ai malheureusement peu voyagé, à part en France, au milieu des années 90. Et c'est vrai que j'ai vu quelques belles femmes, oui, mais la plupart étaient des touristes québécoises. Ah! J'ai Roger en fin de semaine, hein? La direction des Dolphins a dû émettre un communiqué suite à la déclaration de Wallace, un communiqué qui se lisait comme suit. « We will address the entire team about our policy of inclusion and make sure they all understand the importance of respecting individuals' choices. » La déclaration est étonnante. Ouais, j'ai pas beaucoup voyagé. Non, c'est pas bon, très La déclaration est étonnante dans la mesure où on ne sait pas si c'est « The importance of respecting individual choices » s'adresse à la liberté des joueurs de dire des niaiseries, ou si elle prétend plutôt que les joueurs de football ont le droit de faire le choix individuel de culbuter des messieurs au lieu de danseuses ou d'escortes, ce qu'on voit la plupart du temps. Mais ce faisant, elle induit l'idée que l'homosexualité est un choix individuel alors qu'on sait très bien que c'est une maladie et qu'on n'a pas le choix. Et qu'on n'a pas le choix d'attraper ou non une maladie. Alors c'est bien pour dire qu'on a encore du chemin à faire dans l'acceptation de la différence des maladies. Et comment? Moi-même, je travaille possiblement avec 3 ou 4 homosexuels. Et même s'il y en avait 5 ou 6, l'émission que vous écoutez ne serait pas moins bonne. Qui est... Alors, qui? Je salue... pas besoin de donner de nom. Okay. Je salue le geste de James Collins parce que plus il y aura d'athlètes qui avoueront faire le grand mambo entre athlètes, plus ça va normaliser la chose. Mais je rêve du jour où les homosexuels dans le sport le diront dès le début de leur carrière afin de briser encore plus les préjugés. La crunch! Je brise un préjugé. Et encore mieux, je rêve que des gays ou lesbiennes deviennent des superstars de leur sport, des Wayne Gretzky, des Babe Ruth, des Tom Brady... De la fifure, pour dire comme ding-dong. Ah oui. Et qu'ils se marient entre eux et que ça devienne banal. On aura la totale, le problème sera réglé, on pourra enfin s'occuper des vraies affaires, c'est-à-dire le manque d'intelligence de la droite. Ah, oh, frère! Ah, oh! Eh bien, merci. On va aller retrouver, notre collègue Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, maman Jean-Philippe, comment allez-vous? Hey, ça va assez bien! Bon, alors, on parle toujours de yoga du rire. Ouais. Et là, on va arrêter d'en parler. On va passer maintenant à l'action. Mais, Madame Leclerc, juste une question avant. Comment on fait pour rire quand c'est pas drôle? Parce que vous dites le yoga du rire, c'est rire sans que ça soit drôle. Mais c'est quand même difficile. Bon, par exemple, j'ai bien essayé il y a quelques minutes en écoutant un billet sur les coming out des sportifs. J'ai été complètement incapable. Comment on fait? Ah, c'est vraiment pas difficile. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est décider de rire. Parce que votre corps va suivre le geste que vous allez lui demander de faire. Mm-hmm. Donc, même si vous trouvez pas ça drôle, au départ, vous êtes capable simplement de sourire. Ben oui. En commençant à sourire au début, puis riez juste doucement, là. Ah. Puis, mais peut-être un petit peu plus que ça. Okay. Mais en le faisant simplement, mécaniquement. Oui. Comme si vous faites comme si c'était très drôle. Vous allez faire quoi? Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Okay. Oui, mais avec un sourire, là. Oui, ouais, on rit. Non, on souriait, là. Tout le monde, s'il vous plaît. On va essayer, par exemple, je vais vous dire des blagues qui sont pas drôles du tout, et vous allez rire, donc histoire de prouver qu'on peut rire même si c'est pas drôle. Okay. Alors, première blague. Je rêve du jour où les homosexuels dans le sport le diront dès le début de leur carrière afin de briser les préjugés. Crunch! Ça marche, ça marche. On va en essayer un deuxième. OK. En même temps, est-ce que c'est si grave d'avoir un micro-pénis? C'est vrai que c'est plus fun, hein? Voyons, ça marche. J'ai jamais entendu une réaction comme ça aux blagues de Fred Savard. C'est vraiment impressionnant. Alors, je vais tenter, moi aussi, de le faire parce que ça a l'air un peu facile. Vous allez me lire cette blague-là qui est écrite ici, juste là. D'ailleurs, avis à toutes celles qui ont une petite voix, je serai chez Roger tout le week-end. Bon, alors je fais... Je suis pas capable. Je suis pas capable, c'est ben trop niaiseux, je suis désolé. Ça l'étage, je vais quand même. Ça l'étage, je vais quand même. Ouais, mais ça marche finalement, ils sont pas super. Okay. Cela étant, je vais me pratiquer et je vous retrouve dans quelques minutes, mon bon Jean-Philippe. Oh, oh boy. OK, bye, on a des affaires à faire pour vrai. Bye. Bye. OK. Fred, notre deuxième invité, s'il vous plaît. Il est à l'âge de 32 ans, il en a 37 et n'est que ministre du Tourisme. C'est pas grave, on donne la parole à presque tout le monde. Accueillons le député de Matapédia, M. Pascal Bérubé. Bon. Mais on va commencer ça immédiatement. Avec une bière, alors j'ai plusieurs choix, sans gluten ou sans gluten. Bière québécoise. Ben, c'est une bière québécoise sans gluten. Je vais donner la canette parce que je vais vous dire une chose. Ça n'a pas été une semaine facile pour le PQ. J'étais heureux d'arriver à Montréal. Ben, je peux comprendre. Je peux comprendre. Vous êtes Pascal Bérubé. Mm-hmm. Vous êtes donc ministre. Non, mais je dis ça parce qu'après 50 émissions, on a fait le tour des gros ministres. Vous êtes donc ministre du Tourisme. Oui. Donc ça, c'est un ministère en attendant ou c'est un vrai ministère au Québec, ça? C'est un peu comme votre émission. Puis moi, c'était mon premier choix. Alors, j'ai joué sauf. Ouais, ouais. Et puis, j'ai obtenu le ministère. C'est un beau ministère. Et c'est aussi d'autres choses que le tourisme, entre autres le Parc olympique, le Palais des congrès de Montréal et le Centre des congrès de Québec. Et le Parc olympique, on va en parler un petit peu plus tard. Mais un ministre du tourisme, en fait, c'est vous qui êtes responsable de checker le trou du rocher, j'imagine. On a des gens qui font ça pour nous. Ah, OK. Est-ce que vous avez des projets de l'agrandir ou... on perd des... je suis gaspésien, fait qu'on connaît un peu la réalité du rocher. On perd des tonnes de roches chaque année rocher. C'est-tu la faute du gouvernement précédent, ça? Ben, je pense que oui. En fait, tout est de la faute du PQ. On l'entend souvent. Alors, on prendrait pas de chance, je vais le rajouter dans la liste. Mais pour vrai, on est en train de perdre le rocher. Mais dans combien de temps on n'aura plus de tout? On sera plus là, je pense. Ah, OK. Personne, mais là, mon Dieu, j'étais en train de stresser et tout. Là. J'ai pas encore vu. C'est un gros rocher. Hein? Ah, ben non, je sais, mais j'ai pas encore vu ça. On rit bien, mais vous avez beaucoup de dossiers en cours, dont celui du Stade olympique. En fait, du toit du Stade olympique. Ça, ça doit être la fin héritée de ce dossier-là. Hein? Parce que ça va assez bien. Il y a une ancienne ministre qui avait dit à enquête à un moment donné, je voudrais pas être la personne qui va prendre la décision, avoir de la misère à dormir. Ben alors, vous avez cette personne-là devant vous. Est-ce que vous prenez des pilules pour dormir? Non, j'ai pas besoin. Puis je pense au rocher percé dans ce temps-là. Juste une petite mise au point. Vous m'avez demandé, comme ami Facebook, là, je vais juste le dire tout de suite. J'ai pas encore accepté. j'accepte pas n'importe qui, à part si c'est une jolie fille. Oui. Et deux, si on développe quelque chose de le fun, ben je vais y penser. Je vais y penser. Ouais. Et, Mais trop tard, je suis à 5000 maintenant, j'ai plus de place. Ah, il est-tu bête? Il va falloir que je libère quelqu'un. C'est, ben, à mon avis, si vous avez Guy Chevrette comme ami, il y a peut-être un échange à faire. À quelque part. parlons du dossier du stade, parce que ça m'intéresse. Là, évidemment, on a le toit du stade qui est là depuis combien d'années maintenant, celui qu'on a là en ce moment? En fait, depuis plus de 10 ans. OK. Ah, alors, mon Dieu, c'est vieux, ça, pour un toit de stade. On attend d'avoir une solution assez permanente. Et puis, il y a eu beaucoup d'échecs. Puis là, on est tourné vers l'avenir. Il y a un beau potentiel avec le Parc olympique. Et puis, le stade, si on est capable d'avoir un nouveau toit qui est utile, qui est fiable, qui a une bonne intégrité architecturale, puis un coût acceptable, et là, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, notamment l'hiver. Le dernier, c'était SNC-Lavalin qui l'avait fait? Ça a bien fonctionné? C'est perfectible, mettons. Ouais. Ah, OK. Non, mais les sondages, c'est pas... Les vôtres? Non, les nôtres, ça va assez bien. C'est pour ça qu'on est de retour. Oui, oui, oui. Ouais. Bravo, je suis un de vos auditeurs réguliers. C'est vrai? Oui. Ben, parlant de sondages, les vôtres, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez être de retour. Hein? Ça, vaut mieux partir. On a de l'espace pour monter. Ça, c'est vrai. C'est souvent une stratégie qui peut fonctionner malheureusement. L'équipe Cendrillon. Ouais. Ah ouais? Mais c'est parce que vous êtes déjà au pouvoir, c'est fâchant. Oui, mais c'est un marathon, hein? C'est pas un sprint. Non, c'est clair. En même temps, vous avez beaucoup de petits dossiers à gérer d'ici là. Je lisais que vous avez récemment donné le coup d'envoi des 36 heures de pêche blanche du lac Umkoui, où vous avez procédé à la mise à l'eau d'une truite d'une valeur de 5 000 $. La grosse truite de 5 000 $. Avec des camps chirurgicaux bleus. Alors, il faut aller au centre du lac en 4 roues. Ouais. Et puis, il y a un trou qui est percé. C'est dans mon comté. Mais 5 000 $, je veux dire. Il n'y a personne qui l'a trouvé. Mais OK, c'était, fallait la pêcher, puis ils avaient 5 000. Je pensais que c'était comme genre de type enveloppe brune. Là. Il y avait 5 000 dedans. Il y a une petite identification pour la truite. Et le gagnant gagne 5 000. Mais il faut l'avoir cette année-là parce qu'il y a un code de couleur. Arrêtez donc! Mais là, merci de donner de l'exposure à Saint-Zénon-du-Lac-Oumkoui dans la Matapédia. Je suis heureux. Le tourisme, c'est aussi la notoriété des destinations où il y avait contribué beaucoup. C'est le 375e qui s'en vient bientôt. On a appris que Mme Beauchamp avait postulé. Oui. On a appris qu'elle avait pas eu le poste. Mm-hmm. Votre boss, M. Élisée, a décidé de pas lui donner le poste. On gère ça comment à l'interne? Comme ça, est-ce que vous le saviez que Mme Beauchamp avait postulé? La ligne était occupée. M. Élisée parlait déjà avec les gens. Il parle beaucoup, hein? Il parle énormément. La ligne sonne pas souvent. Sans blague, ben, je l'ai appris comme d'habitude avec mon collègue dans les journaux. Arrêtez donc! Oui. Vous n'avez pas de ligne directe avec non, mais on travaille beaucoup avec Jean-François. On a des dossiers qu'on a nommés, Parc olympique, le Palais des congrès de Montréal, c'est un gros dossier aussi. Alors, on a beaucoup d'échanges ensemble. On s'est encore vu ce matin. Alors, vous parlez quoi ce matin? Est-ce que vous parlez de Gilles Cloutier? Parce que ça a été un sujet pendant la semaine. On parlait de Montréal. On parlait des enjeux de Montréal. Ben, c'est le Grand Prix le Grand Prix de Formule 1 qu'on négocie présentement pour un renouvellement de 10 ans. 10 ans? Oui. Et les liaisons aériennes également de Montréal vers l'Asie. Parce que justement, les liaisons aériennes, ça c'est votre. Ouais. Ben, avec évidemment le gouvernement fédéral, on imagine. Oui. Il y en a de moins en moins. Pierre-Éliott Trudeau est en train de perdre la bataille contre Billy Bishop et Pearson à Toronto. Ça se passe beaucoup à Toronto. Ben, puis Air Canada favorise Calgary, Vancouver, Toronto. De moins en moins Montréal. Donc, on essaie d'avoir une liaison directe vers la Chine, mais d'autres destinations également. Ben oui, parce que la Chine, on a de plus en plus de visiteurs chinois ici. Mm-hmm. C'est quelle autre nationalité viennent nous visiter au Québec? Beaucoup de Français, c'est la priorité. Ah, c'est je sais, on a eu ça bien. Ceux qui restent le plus longtemps, d'ailleurs. Ah, ben, on le sait. Allô? Je veux dire. Alors, on a beaucoup de l'Europe francophone, beaucoup d'Américains du nord-est des États-Unis et puis de plus en plus d'Asiatiques qui voyagent. Il y a toute une classe de voyageurs émergents en Inde, en Asie, au Brésil, qui viennent de plus en plus chez nous. Mais là, vous avez fait tout un travail pour éviter de parler de Gilles Cloutier ici. Là. Et on va revenir à Gilles Cloutier. je me souvenais même plus qu'on parlait de ça. On était rendu en Asie. Puis j'ai regardé mes notes. Gilles Cloutier, t'as peu. Ouais. Gilles Cloutier, il vient pas de votre patelin? Hein? Gilles Cloutier. Ouais. Ben, il reste pas loin de chez vous. Ah ouais, à quel endroit ça? Je sais pas, il reste pas loin. En tout cas, juste savoir, votre élection, là, est-ce que c'était clé en main, vous? Non, mais c'était une belle victoire. J'ai la plus forte majorité au Québec. Ben, c'est pour ça qu'on se pose la question. Alors, ça s'est bien passé. Ouais. Ça s'est bien passé. Oui. Non, on a fait une belle campagne, une équipe de bénévoles, puis ça n'a pas coûté cher. Vous restez avec nous, j'espère, parce qu'on a encore plein de choses à faire. Faut aller rire avec Jean-Sébastien. Oui, c'est ça. Malheureusement, on doit écouter Olivier avant prochain chroniqueur friend. Écoutez ces chroniques, c'est comme gagner la Coupe Stanley à chaque semaine. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Olivier, Olivier, ça va bien? Oui. Allez-y. Hey, peut-être avez-vous manqué ça la semaine dernière, occupé que vous étiez à trouver que ça sent la coupe, mais en marge des attentats déjoués par la GRC, la première ministre Pauline Marois a tenu des propos inacceptables. Ah. Comme le rapporte Richard Martineau, elle a dit... Ne vous en faites pas, c'est seulement qu'à Toronto qu'on visait. Moi, c'est à lever le cœur. Ça m'a jeté sur le cul. C'est à lever le cœur. Comment? Vous n'avez pas entendu Pauline Marois être contente que les terroristes visent Toronto? Écoutez non. Bien ça. C'est à lever le cœur. On écoute, Richard. OK. Ce que l'on a comme information, évidemment, sous toute réserve, c'est qu'il n'était pas question d'attaquer des cibles québécoises. C'était plutôt des cibles américaines qui semblaient être en cause. Donc, c'est ça. C'était pas à gare centrale, dans le fond. Fait que c'est correct. C'est ça. Fait qu'on s'en fout. Bon. Ouais. C'est pas long qu'il n'était pas question d'attaquer des cibles québécoises. Il n'était pas question d'attaquer des cibles québécoises. C'était juste des maudits anglais. Puis tant pis pour eux. Il me semble que si tu veux faire de la désinformation, la moindre des choses, c'est de pas donner la vraie information tout de suite après. Là. Ouais. C'est vraiment un art qui se perd. Ouais. D'autre part, cette semaine, lorsque Radio X, on en a parlé, a dit en onde que les anciens du pornographe ont un micro-pénis, suis pas du tout senti visé. J'ai automatiquement pensé qu'il faisait référence à Fred Savard. Je raconte ça parce que, bizarrement, lorsque Marie-France Bazot a dit que la droite n'est pas vite-vite dans la tête, tous les animateurs de radio de droite ont cru que c'est d'eux dont elle parlait et ont répondu par la bouche de leur canon, comme Carl Monnette. C'est ça que je déplore de la gauche. c'est que c'est toujours des attaques gratuites. C'est toujours des attaques faciles. C'est souvent d'intimidation. C'est souvent de la violence. C'est pas un débat d'idées. Bon, j'embarquerai pas dans ce jeu de celui qui le dit, celui qui l'est. Ça serait beaucoup trop facile. Restons dans les débats d'idées. D'ailleurs, Éric Duhaime, celui que tous ont cité comme étant le summum de l'intelligence de droite, et ce, même s'il n'y a aucune référence bibliographique dans son essai sur les syndicats, tenait un débat d'idées autour de Walmart cette semaine. W. A. A. L. L. M. M. A. A. R. T. T. Qu'est-ce que ça fait? Walmart. C'est qui le meilleur? Walmart. Ben non, c'est le client le meilleur. Ben oui, en tant que chantre du capitalisme, Éric Duhaime devrait pourtant savoir que c'est le client qui a toujours raison. Quoiqu'avec des codes d'écoute qui frôlent les 0,4 parts de marché, on peut comprendre qu'il veuille oublier ce concept. D'autre part, Jeff Fillion nous apprenait que selon son feeling, Pierre-Carl Péladeau songerait à vendre Québécois pour se lancer en politique. PKP, en voilà un gars de droite pas nono. Ben, à moins qu'il soit pas vraiment à droite, là. C'est un mélange de gars qui gère son entreprise à droite, mais qui a un fond de gauche, parce que tous ceux qui ont côtoyé PKP dans sa jeunesse et jusqu'à pas longtemps, PKP, en plus d'être un nationaliste, c'était un gars à l'université, c'était un peace and love, là. C'était un gars de gauche, là. C'était un carré rouge, PKP. Ah! J'ai toujours su que PKP est un crypto-platonien du nowhere. Non, mais c'est vrai, là. Il a tellement fait de publicité pour les carrés rouges dans son journal, là. C'était louche. D'autre part, la commission Charbonneau nous a encore démontré cette semaine que les firmes d'ingénieurs en menaient assez large dans la politique au Québec. Même qu'il commence à y avoir un certain racisme envers les ingénieurs, comme le démontre Stéphane Gendron. Je suis pas naïf, là, quand même. Là, on le sait que les ingénieurs, c'est comme les avocats, c'est une race de monde corrompu qui pousse sur le crayon. En tout cas, moi, j'ai rien contre les ingénieurs. J'ai même un ami ingénieur. Tant qu'il touche pas à mes enfants, j'ai aucun problème avec lui. Parlant de l'irréductible Stéphane Gendron, il est le seul à avoir résisté à l'envahisseuse et à avoir défendu les propos controversés de Don Cherry cette semaine. Je vous entendais parler de Don Cherry. Ouais. Il a tout à fait raison, puis la question est tout à fait actuelle. Là. Mm-hmm. Les femmes n'ont pas d'affaires dans le vestiaire. Non, mais c'est vrai, ça fait quoi, 30 ans que Linda Hébert est entrée dans le vestiaire dans l'an 51, là? Puis ça n'a rien changé. Les joueurs, comme Guillaume Latendresse, ils continuent de répondre des affaires qu'on comprend pas. On dit tout le temps de cliché que les séries naissent dans les playoffs. Je pense que c'est vrai. Ah, le fameux cliché que les séries naissent dans les playoffs. Dans le fond, c'est comme une boucle infinie, là, mais si on s'en sort, j'espère que le Canadien va accoucher de la coupe. Ah! C'est comme une finale émotive, comme Fred. Ouais. C'est le domaine de Fred, l'émotif. Hey, comme vous le savez, Tony Accurso a vendu cette semaine sa compagnie à un groupe d'hommes d'affaires pour 150 millions de beaux dollars. Et ça nous a inspiré une petite publicité. On écoute. Shylock! Shylock, c'est le super efficace système de Tony Accurso. Fait 30 ans que Shylock fourre les municipalités pour remplir les poches de ses actionnaires. Même pas besoin de clé, juste à demander à Gilles Cloutier. Quand ça marche plus, pas grave. Une compagnie de Shylock, là, c'est bien facile à revendre à des anciens libéraux, même en pièces détachées. C'est pour ça que les municipalités, là, ils aiment bien ça, Shylock. Ça, puis les voyages à Vegas. Puis si tu poses trop de questions, tu vas voir ta face comme un windshield de char. Interprétation touchante. C'est subtil. Ça sent l'UDA plein les yeux. Alors, on va aller retrouver malheureusement Jean-Sébastien Girard. Bon, Jean-Philippe, ça va toujours bien? Ben, c'est correct, toi? Vous dire comment on rit? Oui, ben oui. J'aimerais mieux que vous me disiez, vous, par contre. Oui, apparemment. C'est déjà la conclusion de mon reportage sur le yoga du rire, mais on va finir en trompe, Jean-Philippe. On va permettre aux gens en studio de bénéficier d'une courte séance de yoga du rire. Ah oh, non. Ben, on va terminer maintenant avec une belle grosse séance collective. Ah, bon. Alors, ah, bon. Oh, on s'assoit. Dans le studio. OK. Tous les gens présents. Oui. Alors, vous allez vous lever debout. Ah, on se relève. Voilà. OK. Bon, et on va... Ben, oui, moi non plus. Et on va se prêter au rire... De la dispute, qu'est-ce que c'est exactement, Madame Leclerc? Le rire de la dispute, là, c'est quelque chose... Habituellement, quand on se chicane, hein, on n'est pas content. Non. Mais là, on va reprogrammer ce geste-là. En fait, on va rire même en se disputant. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on agite l'index en disputant comme... Tu sais, comme quand on fait quelque chose en disant à un enfant, là... Oh, ben oui, je fais ça souvent, moi, oui. Ouais. Parfait. Alors, tout le monde, Gaston, vous allez... Carlin. Ouais, c'est ça, mon chien, OK, parfait. Ben, exactement. Alors, tout le monde, vous allez vous retourner... Retournez-vous vers Fred Savard. Ah ouais. Et vous allez rire de lui, mais attention, Madame Leclerc va donner Le hockey. Bon, vous êtes prêts, là? Oui. OK, puis c'est important de prendre l'index, là. Prenez le poids, là, vraiment. On y va? On s'assoit ensemble, on rit vers lui. OK. Hey, Colin! Oh, hey! Comment vous remercier, Madame Leclerc? Ah, oui, merci beaucoup. Ça nous semble extrêmement intéressant si on veut suivre un atelier avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez les informations sur mon site au www.yogadurire.com ou vous m'envoyez un courriel à info@yogadurire.com. Oui. J'anime régulièrement des ateliers un peu partout à travers la province. Si j'y vais pas, vous me faites venir. Merci. Merci infiniment, Madame Leclerc. Et j'en profite pendant que je suis au bout du fil, Jean-Philippe, pour vous féliciter pour le retour de votre émission. Mais moi, évidemment, je reviendrai. C'était clair et net. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci. Bonne semaine. Bye-bye. Colin, c'était Jean-Sébastien Girard. Hein? Ah, ouais, c'est. Ouais. Non, mais. Très bon. Mais Fred, un peu de bonne foi. C'est tellement rare que les gens rient quand ils vous pointent. Ben oui. Ben oui. Fred, notre dernier chroniqueur. Ouais. Notre correspondant parlementaire se penche cette semaine sur le concept du sobriquet en politique. Ah oui. Pour notre plus grand plaisir. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Vous connaissez le ministre des Rubins? Oui. Tout à fait. Hey. Allons, mais. Yoga du rire, je me sens comme à Cap sur l'été. Ça, c'est un petit peu plus tôt pour ta TV. Excusez-moi la voix, hein, je l'ai emprunté à Caroline Néron cette semaine. Ah! Mais au moins, je fais pas de bijoux. Ah, ben d'accord. C'est ça. Vous êtes un grand nostalgique. Les beaux dimanches, oui. Les compagnies de bonne humeur. Vous me parlez d'une émission comme ça? En fait, c'est des émissions qui étaient toutes en ondes quand Marc-Yvan Côté était ministre. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Je suis content d'ailleurs que Pascal Bérubé soit là parce que Marc-Yvan Côté, qui est de retour dans l'actualité grâce à la commission Charbonneau, ça me fait plaisir, ça. Oui, effectivement, il était député de Matane. Ah, on le surnommait. On le surnommait affectueusement le bœuf de Matane. Hein? Tellement il était craint à l'Assemblée nationale où il pouvait lancer les pires insultes à ses adversaires. Arrête donc. Oui. Mais les surnoms ont toujours été un peu imagés. Hein, ben, rappelez-vous de Maurice Duplessis qui se faisait appeler le chef ou le cheuf, c'est presque mussolinien. Daniel Johnson père aussi, surnommé Danny Boy. Ouais. C'était pas en version ancienne des têtes à claques, là. C'était, on le trouvait un peu cowboy, mais le plus connu quand même. René Lévesque, qui était surnommé Tipoil, non pas parce qu'il avait la mèche courte, pas du tout, bien au contraire, parce qu'il était pas grand et que sa non-acceptation de calvitie, là, ce qui vous guette, Jean-Philippe, lui faisait une longue couette poussée de côté, rabattue sur le dessus de la tête, un régent en croyant qu'on s'en rendrait pas compte. Un régent qu'on appelle. L'illusion était aussi subtile que les fantaisies capillaires de Donald Trump, mais tout ça a volé en éclats lors d'une journée de Québec 84, tu sais, quand les grands voiliers se sont pas pointés, là. Ouais. Ouais, ouais. Devant les caméras de télé, là, il marchait avec Pierre-Éliott Trudeau un jour particulièrement venteux sur le bord du fleuve au Vieux-Port. Et là, Tipoil est devenu Angora. la couette qui battait pavillon, là, 30 cm bien comptés, qui fouettait le vide au-dessus de sa tête. Là. Ça ressemblait presque à notre réalisateur quand il y a des grands vents. Ah, franchement, lâchez-le, ce monsieur-là. Puis les grands voiliers. Lâchez-le, pauvre petit. Puis les grands voiliers. Regarde le jaloux. Les grands voiliers sont partis de rechef. On se souvient que Jean Charest a été surnommé le frisé, mais surtout patapouf. Ouais. Mais je laisse les blagues d'obésité à Fred Savard dans ce show-là. Ah, et de nos jours, Pauline Marois est devenue la dame de béton pour sa capacité à survivre à son parti. Au fédéral, d'ailleurs, Brian Mulroney était le petit gars de Baie-Comeau. Jean Chrétien, le petit gars de Shawinigan. Jack Layton, le bon Jack. Et Stephen Harper, au Canada anglais, vous le saviez peut-être pas, est surnommé l'automate. Merci beaucoup, Jean-Philippe Triani. Hey, c'est déjà tout pour ce soir. Merci d'avoir ri avec nous et restez à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret qu'on est tout puis on lit. Ensuite, c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe, Valentine Ticotte, Jean-Loup Gagnon, Steve Côté et Philippe Roberge. Un gros merci à nos invités, évidemment, François Gagnon et surtout Pascal Bérubé. Bonne chance avec le ministère du Tourisme, bonne chance avec le gouvernement et bonne chance dans vos prochaines élections. Oui. Et quant à nous, si vous voulez écouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez vous aussi venir à l'enregistrement d'émission, on se fait ça les jeudis à 17h. Vous nous envoyez un courriel. La semaine prochaine, nos invités Michel Labrègue de la STM et Dany Laferrière. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde! Ouais.